nanu mama chéri wapé fem passé misère on est je m'aime pitié pouti papa mais le nom te fait grimer, si que moi c'était tique. Senti moins délire.